L'actualité à Nancy et ailleurs. Une course contre le cancer à Nancy, ce sera le samedi 7 septembre à la plage de la Mechelle. C'est organisé par l'association Cheer Up. Emna, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Cheer Up Artem qui organise ce rendez-vous. Vous pouvez déjà, avant de parler de ce qui va se passer le 7 septembre, nous présenter un peu cette association. Vous êtes étudiante, c'est ça? Oui, donc en fait, Cheer Up Artem, c'est une association d'étudiants de l'école des mines de Nancy. Et donc, on va rendre visite à des jeunes entre 12 et 25 ans atteints de cancer pour discuter avec eux et leur permettre d'échanger et de leur permettre un peu une échappatoire. Ça fait longtemps que cette association existe? L'antenne de Nancy, donc à Artem, elle existe depuis 2021. Mais sinon, l'association Cheer Up, elle a été fondée en 2003. Parce qu'en fait, c'est une fédération d'associations un peu partout en France. Et donc, des étudiants, tous les ans, s'investissent au sein de cette association. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir, vous, en Cheer Up? Moi, c'était surtout parce que donc la cause du cancer, c'était une cause à laquelle j'étais sensibilisée depuis très longtemps. Et puis, en fait, en sortant de 2 années de classe préparatoire, j'avais envie de donner un peu de sens à ce que je faisais. J'ai trouvé que la cause et que le principe aussi d'aller rendre visite aux patients, c'était une cause qui était très noble. Donc c'est pour ça que j'avais envie de m'investir là-dedans. Parce que vos études ne vous forment pas forcément à travailler dans le domaine médical? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et puis c'est des études, parfois on oublie un petit peu, même si on essaie quand même de garder un côté un peu humain, etc. Parfois on peut un peu oublier cet aspect humanitaire et je trouve que c'est important pendant ces études de s'engager dans des associations un peu à caractère humanitaire. Voilà, et vous êtes combien au sein de l'association à Nancy alors? On est 14. Et donc, tous, vous organisez cet événement, cette course contre le cancer qui aura lieu, je le rappelle, le samedi 7 septembre. Expliquez-nous un peu cet événement. C'est un événement qui revient tous les ans déjà? Comme je vous l'ai dit avant, notre antenne à Nancy, c'est une antenne qui est assez récente. Donc, il y a eu une première édition en 2022 de la course. L'année dernière, malheureusement, ils n'ont pas pu renouveler l'événement. Et donc, nous, on a trouvé que ça pouvait être intéressant de refaire ce genre d'événement. Donc, c'est une course qui partira des plages de la Mechelle, qui continuera sur les rives de la Meurthe. Et pendant toute la journée, il y aura des stands au niveau des plages de la Mechelle où on a invité différentes associations qui sont liées à la lutte contre le cancer. Parce que, en fait, on veut profiter aussi de cet événement pour faire de la sensibilisation. Et on trouve que c'est important aussi de sensibiliser au cancer. Surtout au cancer des adolescents et des jeunes adultes, qui sont des cancers qui sont parfois un peu négligés. Et dans le cadre du mois de septembre en or, qui est le mois du cancer des enfants, on trouvait que c'était intéressant de faire une course à ce moment-là. Voilà, avec l'association Arémig alors? Oui, exactement. Donc l'association Arémig sera présente au stand. Et donc on voulait donner l'intégralité des fonds générés par la course à cette association. La Rémy qui gère la maison des parents à Brabois, qui œuvre quotidiennement pour ses enfants et les familles. Alors, vous l'avez dit, samedi 7 septembre, on va pouvoir courir, il y aura des stands, ça se passe à la plage de la Mechelle. Vous l'adressez particulièrement à des étudiants ou à tout le monde? Nous, puisqu'on est des étudiants, on va pouvoir faire essentiellement des communications dans les écoles et dans les facs. On s'adressera à un public étudiant, mais la course, elle est ouverte à tout le monde et on a vraiment envie que tout le monde puisse participer, que n'importe qui, même qui passerait dans le coin, qui voudrait participer, pourrait participer également. Enfin, c'est vraiment une course qui est adressée à tout le monde et peu importe si on a l'habitude de courir ou pas, c'est pas une performance sportive qui est attendue. Voilà, donc il y a plusieurs distances. Ça commence à 3 km et après il y a la possibilité de faire plusieurs boucles si on le souhaite. Si on veut faire 6, 9 ou 12 km, c'est possible également. Comment on peut faire aujourd'hui pour s'inscrire à cette course contre le cancer? On a créé une cagnotte Hello Asso, donc il y a un lien sur lequel on peut s'inscrire. On mettra le lien bien sûr sur le site de la radio également. Et c'est à partir de quel tarif? C'est à partir de 5 € pour la plus petite boucle. Voilà, sachant que tout l'argent récolté ira pour l'association Arémig, c'est ça? Exactement. Donc on n'hésite pas à s'inscrire dès maintenant. On a jusque quand pour s'inscrire? Jusqu'à l'événement. Jusqu'au 7 septembre. On pourra s'inscrire sur place éventuellement? Oui, il faut, on peut s'inscrire sur place également. Si on veut suivre un peu votre actualité, on vous trouve sur les réseaux sociaux. On a un compte Instagram, cheerup-artem. Je vous laisse le dernier mot pour donner envie aux auditeurs de venir courir le 7 septembre à Plage de la Méchelle. Venez courir le 7 septembre, c'est pour la bonne cause. C'est pas un événement qui vous demandera beaucoup de votre temps, mais c'est quelque chose qui pourra vraiment changer la vie de certaines personnes. C'est important aussi de s'engager en tant qu'être humain dans ce genre d'événement. Merci à Emna, vice-présidente de l'association Cheer Up Artem, qui organise la course contre le cancer. Ce sera le samedi 7 septembre, au départ de la plage de la Méchelle à Nancy. Retrouvez cet entretien en podcast ainsi que toutes les infos pratiques concernant cet événement sur notre site www.fadjet.net. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.